Et oui, vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal de la mi-journée de ce lundi 6 mars 2023. L'administration ne doit pas s'ingérer dans les affaires internes des partis politiques. C'est la déclaration de Agathon Rwasa, président du parti Congrès national pour la liberté CNL. Certains commerçants se lamentent de l'inadéquation de nouveaux emballages de produits liquides, dont l'huile. Ils demandent aux autorités habilitées de trouver solution à ce défi. Et dans la chronique sport de tout le lundi, aujourd'hui on vous parle des conditions, de certaines conditions requises pour être un arbitre de karaté. Et en fin de ce journal, on vous proposera la revue de l'actualité régionale. Et voilà pour l'essentiel de ce journal présenté par Aïssa Liliane, Inamahore, mise en onde par Chancela Mugisha Wiman. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bienvenue. Les dirigeants du parti politique Congrès national pour la liberté, CNL en sigle, ont trouvé un consensus sur les mésententes à la base du refus de la tenue de la célébration du 4e anniversaire de ce parti et du congrès ordinaire. La déclaration du président de ce parti dans un point de presse animé ce lundi sur les préparatifs de ces deux activités. Agathon Rwasa interpelle toutefois l'administration à ne pas s'ingérer dans les affaires interne des partis. Et ce président de ce parti CNL, Agathon Rwasa, il salue les discours de l'exécutif. Toutefois, il appelle à joindre la parole aux actions. On l'écoute. J'apprécie très positivement ces discours-là. Et je dois dire que c'est de droit que les autorités tiennent ce langage. Cependant, j'en pose une question par rapport aux agissements. Parce que il est bon de dire quelque chose, mais on y croira lorsque vous allez vivre ça. Donc, pour le CNR et pour tout Burundais et prix de paix, le discours ne suffit pas. Il faut les actes. Il faut que la gestion ou les manières de gestion de cette nation changent. On croira vraiment à ces discours-là quand on verra que le gouvernement burundais s'ouvre à d'autres formations politiques, s'ouvre à d'autres cercles de Burundais dans la responsabilisation des uns et des autres. Et qu'on ne demeure pas comme dans un carcan où on s'enferme et on ne voit que le seul parti, CNDD-FDD. Donc, on sera tous Burundais. Quand on verra M. le Président prendre le courage en ses deux mains et nommer des gouverneurs ici d'autres partis politiques, quand on le verra nommer dans son gouvernement d'autres personnalités qui ne sont pas du CNDD-FDD, quand on verra le président nommé par décret ou par je ne sais quoi, ou les ministres par ordonnance, des cadres qui ne sont pas nécessairement ici des rangs du CNDD-FDD, quand on verra des rectifications au niveau des marchés publics, que ce soit réellement public, que ce soit ouvert, et que les marchés sont gagnés par des personnalités diverses et non pas juste une poignée de gens qui ont monopolisé ces marchés publics-là. Et bien d'autres actes qui pourraient rassurer davantage les Burundais. Ça sera tout autant quand on verra que le gouvernement se préoccupe effectivement du bien-être des Burundais et songe à alléger les conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Et oui, c'était Agathon Rwasa, le président du CNL, le Congrès national pour la liberté, qui indique également qu'un consensus a été trouvé pour régler une mésentente qui régnait au sein de son parti politique. Encore une fois, on l'écoute. Il n'y a pas question de réunification parce que le parti n'a jamais éclaté. Le parti reste uni, on est là. Quant au problème, il n'y a pas un seul jour où l'homme ne sera pas confronté à des problèmes. Donc, par rapport au congrès, le congrès c'est statutaire, c'est tous les 3 ans. Et le dernier congrès a été tenu au mois de mars 2020. Je crois alors que c'est de bonne guerre qu'on puisse organiser ce congrès durant ce mois de mars. Par rapport à ce qui sous-tend le communiqué du 18, c'est qu'il y a eu quelques rumeurs sur les réseaux sociaux, dépeignant celui-ci comme cela, dépeignant l'autre comme ça, ce qui a provoqué un tout petit peu un manque de confiance entre les uns et les autres. On a résolu de nous asseoir ensemble pour discuter de fond en comble de tout ce qui est autour de ça. Et nous avons trouvé un consensus et ensemble nous cheminons vers justement la célébration de l'anniversaire et la tenue de ce congrès. Donc là, je dois vous dire sincèrement que l'homme est comme frère avec les problèmes et c'est à la hauteur des problèmes que l'homme se mesure. Ce n'est pas quelque chose qui devrait alarmer l'un ou l'autre. C'est tout à fait normal que dans une organisation, dans un groupe de gens, il y ait des frictions. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on puisse trouver des remèdes et des solutions à ce genre de situation. Et oui, c'était Agathon Rwasa, le président du parti politique Congrès national pour la liberté CNL, au micro de notre confrère Jean de Dieu Irakodze. Ce journal continue sur la radio Isanganiro et on vous le disait dans les titres de ce journal, l'insuffisance d'emballage des produits liquides, dont l'huile et la cherté de nouveaux emballages mis en place est en défi à l'exécution de la mesure interdisant l'utilisation des bouteilles en plastique à usage unique. C'est au moment où les commerçants d'huile œuvrant dans le marché de Cotebou se lamentent de l'inadéquation de nouveaux emballages. Les clients également estiment que la cherté de ce produit est due à l'inaccessibilité de ces emballages. Ils demandent aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Le point avec Omer Douayo. Les commerçants qui sont concernés sont ceux qui vendent l'huile de palme et celui de coton au marché d'Ikotebou. Le constat est que certains commerçants vendent leurs marchandises dans des bouteilles de récupération qui ont été interdites et d'autres vendent leurs produits dans de nouveaux emballages. Les commerçants de ce marché se disent être prêts à respecter la décision prise mais demandent la disponibilité de ces nouveaux emballages. Cette préoccupation est aussi soulevé par les clients. Ces derniers craignent la perte des produits achetés car, disent-ils, la qualité de ces nouveaux emballages n'est pas bonne. Tous demandent à l'État de rendre disponibles ces nouveaux emballages en qualité et en quantité pour le bien-être de la population. Le gestionnaire de son marché appelle les commerçants au marché de Cotebou au respect de la décision prise. Le Bureau burundais de normalisation, BBN en sigle, avait interdit l'usage des bouteilles de récupération et la date butoir était jusqu'au 26 dernier. Merci Omer Ndouayo. Dans quelques secondes, on poursuit avec ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et oui, sur Isanganiro, il est 13h passé de 7 minutes. Ils demandent de la justice. Ce sont les habitants de Sororezo, en zone Muyira de la commune Kanyosha, en province de Bujumbura. Ils s'insurgent contre l'expropriation de terres leur léguées par leurs ancêtres. Les terres qui seraient domaniales, selon le ministère en charge de l'Environnement. Une centaine de ces personnes étaient venues demander l'audience au ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, mais sans succès. Le point avec Evarista Nzikobanyan. Une cinquantaine de personnes originaires de Sororezo, en zone Muira, de la commune Kanyosha, étaient venues ce lundi voir le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Ils disent avoir répondu au rendez-vous pour échanger sur la question des terres qu'ils occupent depuis belle lurette, dont le ministre a indiqué à cette même population il y a une semaine que ces terres sont domaniales. Ces personnes constituées de femmes, jeunes et hommes adultes n'ont pas été reçues par le ministre et son secrétariat ne leur a demandé de s'inscrire et rentrer. Les habitants de Sororezo, lésés, demandent le dialogue pour qu'ils ne soient pas expropriés. Ils lancent un cri d'alarme au président de la République, au premier ministre, d'effectuer une descente à Sororezo pour s'enquérir de la situation. Radio Isanganiro, chronique sport. Oui, chronique sport sur Isanganiro. Un arbitre de karaté doit bénéficier des formations qui lui donnent accès de commencer son métier d'arbitrage. Révarien Banzendore, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté, précise qu'un arbitre de karaté doit être détenteur d'une ceinture noire. Les détails dans cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianney et Dakoumane. Les arbitres de karaté doivent bénéficier de la formation dispensée par les experts de la Fédération internationale de karaté. Propos de Léverien Banzendore, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté. Les formations sont organisées sur les règlements de compétition de la Fédération mondiale de karaté et ces formations sont conditionnées par le niveau ou le niveau de grade des karatéka. Et au Burundi, nous acceptons aussi que celui qui a la ceinture verte peut devenir arbitre, c'est-à-dire que celui qui a la ceinture verte peut suivre les formations d'arbitrage de karaté. Et un arbitre de karaté, c'est celui qui dirige les compétitions, que ce soit au niveau national, au niveau continental ou régional et au niveau international aussi. Il précise qu'un arbitre doit également être karatéka. Et d'abord, pour devenir un arbitre de karaté, il faut d'abord être karatéka. Parce que au karaté, tous les arbitres de karaté sont des karatékas. Ce président de la commission chargée d'arbitrage en sein de la Fédération burundaise de karaté indique que pour atteindre le niveau d'arbitrer les compétitions internationales, on doit réussir le test des examens organisés au niveau mondial. Pour devenir un arbitre international, d'abord j'ai dit que international, ça a beaucoup de niveaux. C'est au niveau régional, au niveau continental et au niveau mondial. Dans tous ces niveaux-là, on doit faire des examens et si on réussit à ces examens, alors on devient arbitre international. Si c'est un examen continental, on devient juge ou arbitre continental. Si c'est un examen qui est placé au rang mondial, on devient arbitre ou juge mondial. Il est à noter que Léverien Banzendore est le seul arbitre burundais qui a déjà atteint le niveau d'arbitre les compétitions internationales de karaté. Actualité internationale. Et oui, en actualité internationale au Mali, le référendum constitutionnel aura-t-il lieu le 19 mars prochain comme prévu? Les autorités de transition n'ont fait aucune annonce, ni sur un report qui semble pourtant inévitable, ni sur un maintien coûte que coûte de la date programmée. Les conditions techniques et légales pour l'organisation du référendum dans 2 semaines ne sont pas réunies pour qu'il y ait lieu le 19 mars. Le collège électoral aurait dû être convoqué le 17 février dernier et ne l'a jamais été. Pourtant, les autorités maliennes de transition n'ont fait aucune déclaration ni pour officialiser le report du scrutin ni pour annoncer son maintien malgré tout. Et à cette période de flou, le COSEM demande aux autorités de transition de mettre un terme et propose un nouveau calendrier. Le référendum peut se faire le 25 juin. Entre-temps, cela permettrait de mettre en place toutes les coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections. Ça permettra aussi de préparer l'électorat pour le référendum, c'est-à-dire vulgariser le projet de construction et aussi d'aller en profondeur dans la confection et à la distribution des cartes d'électeurs. Et en international toujours, la Turquie pleure toujours ses morts. C'est un mois après le séisme. Selon nos confrères de France 24, il y a un mois, le 6 février, la Turquie et la Syrie étaient frappées en pleine nuit par un puissant séisme surpris dans leur sommeil. Des milliers d'habitants se retrouvent piégés par des immeubles mal construits qui s'effondrent l'un après l'autre et plus de 52 000 personnes ont perdu la vie. Et chaque jour, 250 tonnes de gravats sont évacuées vers une décharge à l'extérieur des faubourgs. Fers tordus, matelas éventrés, rideaux déchiquetés émergent entre les plaques de ciment et les miettes de béton. Selon le gouvernement, 2 millions de rescapés ont trouvé asile sous les tentes ou dans les conteneurs installés dans des stades ou les parcs urbains. Mais l'offre est loin de répondre aux besoins. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Raissa Liliane Inamahoro. Mes remerciements s'adressent à l'équipe de la rédaction et aussi à la technique, à Chancela Mugisha Wimana. Et très bonne suite de nos programmes. Et dans quelques instants, ce sera la revue de l'actualité sous-régionale. Yeah. Actualité régionale. Bonjour et bienvenue à cette revue régionale de ce 6 mars en RDC. Le contingent burundais est arrivé ce dimanche 5 mars à Goma, au Nord Kivu, dans le cadre de la force régionale de l'EAC, pour lutter contre les rebelles du M23. Ils rejoignent les Kenyans, qui sont les premiers à être déployés, selon le journal congolais Actualité CD. Ces soldats, une centaine seront déployés à Sake, Kioligwe et Kichanga dans le territoire de Masisi. Conformément aux résolutions des différents sommets, les rebelles devaient amorcer le retrait des zones occupées depuis le 28 février dernier, mais rien n'est fait jusqu'à ce jour. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Les Burundis avaient déjà déployé ces unités dans la province du Sud Kivu, où elles opèrent conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo, conclut Actualité CD. Selon le journal de l'Est, le Qatar tente toujours de convoquer une rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo pour apporter un rapprochement au milieu de tensions croissantes. Les tentatives d'organiser des pourparlers de paix entre le Rwanda et la RDC par Doha ont échoué en janvier en raison d'une non-présentation de Tshisekedi. L'État du Golfe n'a pas baissé les bras pour autant et poursuit la diplomatie de la navette en vue d'amener les deux partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est à mettre en œuvre les accords médiatisés par les différents acteurs. Selon toujours ce médium Kenya, cette semaine, une délégation de Doha conduite par le docteur Mohamed Bin Abdulaziz, ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires régionales, était dans la région pour rencontrer les présidents du Rwanda, du Burundi, du Kenya et d'Angola. Le président sud-soudanais a limogé les ministres de la Défense et de l'Intérieur de son gouvernement, ce qui va à l'encontre des termes de l'accord de paix signé avec le chef du parti d'opposition, Riek Machar, écrit le journal de Monito. On rapporte que le président a violé les termes de l'accord de paix en transférant le ministère de la Défense à son parti, alors que le poste a été réservé au parti de Machar. Actualité régionale. Au Kenya, le chef de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé ce dimanche le calendrier à venir des réunions anti-gouvernementales, car il est apparu que la rébellion de l'opposition pourrait également impliquer le boycott de certains produits et manifestations. Dans les colonnes du journal kenyan Taifa Leo, l'Union d'Azimio le révèle après que le gouvernement du président William Ruto a annoncé son intention de fermer les entreprises du président à la retraite Uhuru Kenyatta de Monsieur Odinga. Le 22 février, Odinga a donné au président Ruto 14 jours pour ouvrir les élections générales de 2022 et de réduire le coût de la vie élevé, mais rien n'a changé car le chef de l'État a annoncé l'autre jour qu'il n'y avait aucune obligation constitutionnelle pour lui d'ouvrir le scrutin électoral indépendant et commission des frontières. Pour boucler cette revue de l'actualité régionale en Tanzanie, les incidents criminels dans la lignée de Kurte ont amené des chefs religieux et des psychologues à être préoccupés, tandis que le blâme est dirigé contre les chefs. Selon le psychologue, leurs sermons sont basés sur des questions de mariage, de travail et de richesse, plutôt que sur un bon comportement. Selon le journal tanzanien Mwananchi, malgré l'afflux de lieux de culte qui ont poussé comme des champignons dans le pays, on assiste encore à des incidents criminels, signe de la disparition de la crainte de Dieu. Les déclarations des chefs religieux et des psychologues sont basées sur les incidents de la semaine dernière où des inconnus sont entrés dans la paroisse de Narumu de l'église catholique dans la province de Moshi et ont volé un panier contenant une offrande. Ainsi se referme cette revue de la presse régionale et vous a été préparée et présentée par Ornella Moutro et Grace Ukoliman. À la prochaine. Actualité régionale.